Bonjour, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, 4 janvier 2012, c'est le Podcast Science numéro 67. Et nouvelle année, nouvelles opportunités, c'est notre premier live sur NewWiz, la wiki radio de l'innovation. Alors pour celles et ceux qui nous entendraient pour la première fois, peut-être que deux mots de présentation s'imposent. Donc Podcast Science est une émission audio hebdomadaire de vulgarisation scientifique qui est diffusée depuis le 1er septembre 2010 via son site web www.podcastscience.fm et bien sûr disponible via iTunes et les agrégateurs de flux RSS de podcasts habituels. Et l'idée est simple, il s'agit de présenter chaque semaine un dossier sur un grand thème de la science ou sur une avancée scientifique en particulier et égrener quelques actualités. Tout ça de manière simple, mais jamais simpliste, avec un vocabulaire accessible à tous, y compris à celles et ceux qui ont choisi d'autres spécialités dans la vie que les sciences. Et enfin, la science, justement, souvent présentée comme rébarbative et ennuyeuse, ben nous sommes convaincus qu'elle peut être sexy et passionnante, et nous avons à cœur de vous le démontrer chaque semaine. Alors, pour les présentations, moi, c'est Alan, alias Professeur Fun. Je suis l'initiateur et le cofondateur du podcast. J'ai sévi dans tous les épisodes jusqu'ici. Donc c'est mon 67e épisode. Je me passionne pour tout ce que la science propose, du Big Bang à l'évolution avec des petits détours par la physique, la chimie, les sciences sociales. Dans la vraie vie, je vis en Suisse, à Lausanne, j'ai 2 enfants, je bosse dans le web, actuellement comme chef de projet. Et la nuit et le week-end, je fais une école de journalisme à distance en Angleterre. J'ai décidé de pousser l'expérience du journalisme scientifique un peu plus loin. Et comme j'ai tendance à m'ennuyer rapidement si je ne fais pas toujours au moins 2 trucs en même temps, je bouche les trous en préparant des petits dossiers pour le podcast. Donc j'ai dit que je suis le cofondateur du podcast, je dois mentionner mon comparse Mathieu, l'autre cofondateur. Mathieu a pris la douloureuse décision de s'éloigner un petit peu du podcast, qui lui prenait tout simplement trop de temps. Mathieu vit à Barcelone, il s'est aperçu qu'il y a une vie en dehors de la mécanique quantique, mais vous l'entendrez quand même de temps en temps sur cette antenne, 3 à 4 fois par année. Sa première spécialité, ce sont les sujets impossibles, la matière noire, l'énergie noire, la physique quantique. Il arrive à rendre tout ça digeste, je vous jure. Nous autres, on va même pas essayer de s'y attaquer, on appellera Mathieu au secours quand ça n'ira plus. Son autre spécialité à Mathieu, c'est les quotes, les citations inspirées en fin d'émission. Là aussi, en s'y mettant à plusieurs, on devrait y arriver. Donc, si nous n'avions été que deux, nous aurions été bien embêtés suite à son départ, mais heureusement, c'est pas le cas. On est tout plein dans la bande. Alors, je vais commencer par mentionner Lucille, notre illustratrice, qui réalise de temps en temps une planche pour le podcast et qui a réalisé les avatars que vous trouvez sur la page de présentation, podcastscience.fm/about, ABOUT, et qui vous permettent d'avoir une idée de la tête que nous avons. Maintenant, au début de la deuxième saison, en septembre 2011, un nouveau chroniqueur nous a rejoint. Il s'agit de Marco de Lyon, qui tient désormais la chronique mensuelle de l'évolution. Marco, t'es avec nous? Je suis là, bonjour à tous. Super, bienvenue. Marco, tu peux peut-être te présenter en 2 mots? Oui, bon, vite fait, moi j'ai 30 ans, je vis sur Lyon, mais je suis originaire du sud, en fait, de la région Aix-Marseille. Voilà, j'ai fait des études dans les télécommunications et la microélectronique, et puis aujourd'hui je travaille dans les télécommunications mobiles, tout simplement. Et puis Ok. voilà, je suis un passionné de science, et puis surtout un peu comme Mathieu, d'astronomie, de physique fondamentale, puis surtout d'évolution. Magnifique. Et donc, c'est toi qui vas nous présenter aujourd'hui un dossier sur l'évolution. On y revient tout de suite. On dit que nul n'est irremplaçable, mais enfin certains sont un peu plus irremplaçables que d'autres. Donc pour occuper l'espace béant laissé par le départ de Mathieu, nous avons non pas un, mais deux podcasteurs qui nous ont rejoints récemment. Franck et Hélène, on va honneur aux dames. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène, tu peux te présenter en 2 mots aussi? Bah oui, alors moi je suis peut-être un petit peu plus scientifique que les autres, encore que. Enfin, j'ai quand même fait une formation en évolution. Et puis ensuite j'ai fait de la communication scientifique, puisque en fait j'aimerais vivre de la médiation scientifique. Et je tiens un blog qui présente des notions scientifiques en partant de films. Donc voilà, j'aime bien faire des mélanges et des approches un peu étranges des fois des sujets scientifiques. Voilà, bon, quand tu nous dis que tu as une formation en biologie et une formation en communication scientifique, tu as carrément un master dans les deux. On a une vraie professionnelle avec nous. Et puis, tu peux nous donner l'adresse de ton blog? Oui, alors c'est Science au cinéma, donc science avec un S au cinéma, tout attaché sans accent. .fr. Ok. Et puis finalement, Franck, salut Franck, t'es avec nous? Salut, ouais, je suis à vous. Bienvenue. Franck, tu peux te présenter en deux mots? Eh ben oui, alors moi je suis donc étudiant en pharmacie. Comme tout le monde ici, je suis passionné de sciences et donc moi je vais me spécialiser plutôt dans, on va dire, la biologie et puis un petit peu l'évolution, ça m'intéresse pas mal comme Marco. Et voilà, bah, j'aborderai avec plaisir tous ces sujets-là avec vous tout au cours de la saison. Magnifique. Et puis, ben enfin, pour présenter tout à fait tout le monde, Podcast Science est un enfant du web 2.0, donc le web social, communautaire et collaboratif. Donc il n'existerait pas sans sa communauté de poditeurs très actifs qui, semaine après semaine, nous proposent des sujets, rattrapent nos erreurs, nous encouragent, nous réprimandent et passent parfois derrière le micro. Je pense notamment à Pierre Kerner, Xavier Agnès, Olivier Tripet, John Callac, qui s'excuse, il ne peut pas être avec nous ce soir, Mantine, Xilrian, Ben Kurdi de Niptech et plein d'autres. Autres qui me pardonneront de ne pas les citer ici, mais la liste serait un peu trop longue. Vous l'aurez compris, Podcast Science, c'est un concept interactif. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à râler, à proposer, encourager, corriger. Pour ça, tous les canaux sont ouverts. Donc vous avez Twitter, tout d'abord. On s'appelle simplement Podcast Science, donc tout collé en un mot, science au singulier. Vous pouvez l'utiliser d'ailleurs dès maintenant pour interagir en direct. Vous avez le chat de la Wiki Radio Newiz qui nous diffuse désormais en direct tous les mercredis à 20h30. Vous avez le site web podcastscience.fm via le formulaire de contact ou les commentaires. Là, ce sera un petit peu plus difficile pour nous de suivre en direct. On préférerait que vous utilisiez Twitter ou le chat de la radio. Mais autrement, entre deux directs, il n'y a pas de problème pour ce moyen de communication. Il y a Facebook également, où on s'appelle simplement Podcast Science. Donc c'est facebook.com.fr, enfin ce que vous utilisez, slash Podcast Science. En un mot, il y a Google Plus, il y a l'email, où vous nous trouvez à l'adresse podcastscience@gmail.com. Et puis, grande nouveauté à partir de ce soir, vous pouvez aussi intervenir par téléphone. Donc c'est un numéro français, c'est le 09 72 14 79 97. Pour nos amis suisses, c'est le plus 33 9 72 14 79 97. Et puis, vous avez un code d'accès qui vous sera demandé si vous appelez pour accéder à l'émission. Donc, le code d'accès est le 221 689. Alors, je vais peut-être répéter tout ça parce que vous n'aviez pas forcément un crayon sous la main. Donc, le numéro de téléphone depuis la France, c'est le 09 7214 7997. Depuis le reste du monde, vous mettez le préfixe 33 à la place du 0, donc plus 33 9 7 2 1 4 7 9 9 7. Et puis le code qui vous est demandé pour participer, c'est le 2 2 1 6 8 9. Voilà, et puis une dernière chose pour terminer cette longue introduction, juste deux mots sur le déroulement de l'émission. Donc il est en principe toujours à peu près le même. Soit nous recevrons un ou une scientifique qui vient nous parler de sa spécialité, soit l'un d'entre nous présente un dossier, donc d'une durée de 20, 30, 40 minutes, ça dépend un petit peu des sujets. Et s'ensuivent en général une petite discussion et une session de questions-réponses à laquelle vous êtes bien sûr conviés pendant le live. Et après cela, ça c'est une nouveauté, le présentateur du dossier de la semaine suivante, en l'occurrence Franck, la semaine prochaine, va nous pitcher son dossier en 1 minute chrono, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Et après ça, nous revenons, s'il y a lieu de le faire, sur les émissions précédentes pour des compléments d'infos, des corrections ou des commentaires tardifs. Et puis, nous vous faisons part de nos suggestions de lecture, de sites web, d'expos, d'événements intéressants, tout en égrenant l'actu scientifique de la semaine. Et enfin, nous concluons l'émission avec la quote, la fameuse minute de sagesse historique du podcast, histoire de torturer un peu vos neurones entre deux émissions jusqu'à la semaine suivante. Sur ce, je la boucle, je passe la parole à mon ami Marco qui va nous présenter son dossier. Donc cette semaine, c'est l'histoire évolutive de l'audition chez les vertébrés, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc ben, j'espère que je vais vous en mettre plein les oreilles avec ce podcast, hein, c'est un mauvais jeu de mots. C'est un sujet, ben, le titre peut laisser croire que ça va être un dossier difficile et lourd à entendre parce que ça fait presque penser à un sujet de thèse. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien de complexe et j'essaierai de faire en sorte en fait que les choses soient le plus claires possible. Donc c'est un sujet que moi j'affectionne particulièrement, déjà parce que bah, il nous concerne directement, hein, étant donné que nous sommes des vertébrés, au cas où certains l'auraient oublié, mais aussi probablement parce que ce sujet bah, pourrait suffire à lui-même pour faire taire tous les créationnistes de la planète. Enfin, autant faudrait-il déjà qu'ils daignent l'écouter puis le comprendre. Donc voilà, si vous avez quelques doutes sur l'évolution, ben écoutez bien, parce que normalement, à la fin, vous ne devriez plus avoir aucun doute. Enfin, si j'ai bien fait mon travail. Donc, la saga évolutive de l'audition est probablement en fait l'histoire la plus fantastique que l'on peut raconter sur les vertébrés terrestres. En grande partie à cause du fait qu'elle est jalonnée d'énigmes fascinantes dont les solutions sont apportées par une excellente documentation fossile. Il y a notamment deux transitions majeures qui ont pu être expliquées de façon très élégante, bien qu'elles paraissaient impossibles à première vue. La première de ces transitions s'est produite à l'émergence de la vie sur la terre ferme. Je dis bien sur la terre ferme, pas sur la terre. Et elle posait l'énigme suivante. Comment des êtres vivants ont pu passer de la perception de vibrations au moyen d'une ligne courant le long du corps, qu'on appelle ligne latérale, hein, donc c'est comme c'est le cas chez les poissons, à l'audition de sons au moyen d'oreilles. En d'autres termes, en fait, comment de nouveaux organes peuvent se former sans antécédent apparent. La deuxième transition est intervenue lors de la dernière innovation majeure dans le plan d'organisation anatomique des vertébrés, et elle pose cette fois-ci l'énigme suivante. Comment des os qui permettent l'articulation de la mâchoire chez les reptiles ont-ils pu migrer dans l'oreille des mammifères pour devenir le marteau et l'enclume? Donc le marteau et l'enclume sont deux des trois osselets qui forment la chaîne conduisant les sons du tympan jusqu'à l'oreille interne. Donc Ok. voilà. Donc comment en d'autres termes en fait des organes peuvent-ils changer de place et de fonction sans compromettre l'intégrité physique enfin, et fonctionnelle de l'animal? Et Bonne d'ailleurs même question. voilà. Et d'ailleurs même comment imaginer que des formes intermédiaires puissent exister, puisqu'il est impossible bien sûr de manger sans articulation. Donc les créationnistes bah, se sont même fondés sur cette différence hein, entre les reptiles et les mammifères pour proclamer que l'évolution était impossible. Mais la clé de l'énigme, et puis ça c'est vraiment un point à souligner, c'est un peu le pivot de ce podcast, la clé de l'énigme en fait se situe dans le fait qu'un organe peut avoir plusieurs fonctions, mais également qu'une fonction peut être remplie par plusieurs organes. Par exemple, certains animaux comme le serpent peuvent entendre grâce à leurs poumons. Voilà. Donc, intéressons-nous à la première, puis à la dernière étape de l'édification anatomique de l'oreille moyenne des mammifères, qui vont permettre de répondre aux deux énigmes posées précédemment. Donc, dans un milieu de faible densité comme l'air, l'audition des sons pose un problème physique majeur. Car dans l'air, en fait, les ondes sont de plus faible pression que dans l'eau. Jusque-là, vous me suivez. Or, pour que les vibrations puissent être transmises au sein des liquides qui emplissent la cochlée, donc sans rentrer dans les détails, en fait, la cochlée est un organe de l'oreille interne qui a une forme hélicoïdale. Hein. Donc, pour que les sons en fait, puissent être transmis dans ces liquides, il est nécessaire d'avoir des vibrations et de pression qui soient relativement importantes, comme c'est le cas dans l'eau. Donc, comment réaliser alors cette conversion? Les vertébrés terrestres recourent à deux mécanismes pour réaliser cette conversion. Dans un premier temps, ils recueillent les sons au moyen de la membrane du tympan. Ensuite, ces ondes sont transmises à l'oreille interne par l'intermédiaire d'une ouverture qui est bien plus petite en superficie et qu'on appelle la fenêtre ovale. Deuxièmement, la conduction des vibrations depuis le tympan jusqu'à la fenêtre ovale est effectuée au moyen d'une série d'osselets qu'on appelle chez les mammifères le marteau, l'enclume et l'étrier, à cause de leur ressemblance en fait avec ces objets. Alors ces osselets, ils agissent à la façon de levier en fait pour augmenter la pression des ondes qui se dirigent vers le système nerveux central. Les poissons possèdent une oreille interne, mais ils n'ont pas de tympan, ni d'osselet, ni d'oreille moyenne. En fait, ils entendent par le biais donc de leur ligne latérale, comme je le disais tout à l'heure, en détectant les mouvements que l'eau produit. D'accord. Alors, voilà. On en revient donc à notre première énigme, qui est de savoir comment les osselets de l'oreille moyenne ont-ils pu se former au cours de l'évolution des vertébrés terrestres, apparemment à partir de rien. Les premiers vertébrés, donc les premiers poissons en fait, n'avaient pas de mâchoire. Donc c'est pour situer un peu dans le temps, c'est à peu près 510 millions d'années. Ils formaient un groupe qu'on appelle les agnathes, qui littéralement veut dire sans mâchoire. Les survivants d'aujourd'hui, d'ailleurs, de cette première radiation évolutive sont les lamproies et les mycines. Donc, ce sont des agnathes, hein, bien sûr, mais comme tout le monde le sait maintenant, hein, l'évolution n'est pas linéaire. Et ce n'est donc pas parce que ce sont des agnathes que ce sont des poissons primitifs. Les agnathes d'aujourd'hui, en fait, ont simplement suivi un cheminement évolutif différent, hein, en se passant de mâchoire. Et obtenir une mâchoire, quand on n'en a pas, ben, ce n'est pas forcément un but en soi. D'autant plus que les premiers agnathes, en fait, étaient ce qu'on appelle des ostracodermes, c'est-à-dire c'est des poissons qui étaient recouverts de plaques osseuses. Alors que les agnathes d'aujourd'hui ne sont pas ce type de poissons, quoi. Donc chez ce type d'animaux, en fait, la bouche est dépourvue de toute garniture osseuse et une série d'ouvertures branchiales figure à l'arrière de la bouche. Chaque branchie est soutenue par deux os qui sont organisés en fait en une branche inférieure et une branche supérieure. Leurs pointes sont dirigées vers l'avant et leur articulation se fait au milieu. Donc pour imaginer un peu plus, il faut voilà, imaginer deux allumettes qui formeraient le signe inférieur. D'accord, comme Voilà. une espèce de V posée Ouais, sur le côté. c'est ça. Voilà, il faut imaginer en fait un poisson qui regarde vers la droite. Hein, et D'accord. voilà. Est-ce qu'ils sont sourds, les agnathes? Est-ce qu'ils sont sourds? Sourds, oui. Ben non, a priori justement les poissons entendent par ils sont sourds. Après, ça dépend. Ils entendent, ils ressentent en fait les vibrations de l'eau. D'accord. Donc c'est un peu nous Sans nous on amplification, quoi. voilà, ils ont pas d'oreille moyenne, mais ils ont une oreille interne. D'accord. Donc cet arrangement d'os en fait rappelle un peu celui de la mâchoire supérieure et inférieure chez un vertébré typique. Alors le registre fossile, qui est quand même relativement pauvre pour cette époque, à cause de ça en fait on ne sait pas avec certitude si les mâchoires et les arcs branchiaux représentent des spécialisations distinctes qui auraient été engendrées par le même système de développement embryologique, ou bien si les mâchoires se sont formées par la migration vers l'avant de l'arc branchial le plus antérieur, de façon ensuite à encadrer la bouche, même si ça penche quand même fortement pour cette deuxième solution. Mais quoi qu'il en soit, il fait aucun doute que les mâchoires et les arcs soutenant les branchies sont des structures homologues. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont apparues dans l'évolution à partir de la même structure embryologique et représentent le même organe sous différentes formes. D'accord, ouais, ok. Voilà. Donc les premiers poissons, en fait, à mâchoire, apparaissent à peu près il y a 410 millions d'années. Donc il se passe environ 100 millions d'années entre les agnathes et les premiers poissons à mâchoire. D'accord, ok. Alors cette homologie, en fait, entre l'arc branchial antérieur et la mâchoire, est soutenue par trois preuves. Donc tout d'abord, la première preuve, c'est que l'embryon édifie les cartilages précurseurs des mâchoires et des arcs branchiaux à partir de la même source tissulaire, et qui n'est pas la source tissulaire habituelle des os. Je ne sais pas si j'essaie de dire le plus simplement possible, Qu'est-ce que tu appelles mais source tissulaire? bah, c'est-à-dire en fait, la source tissulaire de la plupart des os, c'est le mésoderme. Mais les cartilages des mâchoires et des arcs branchiaux en fait s'édifient à partir de cellules migratrices pardon, qui proviennent de la crête neurale. Ok. Voilà. Donc ils n'ont pas la même origine. Enfin, ils ont la même origine, pardon. Qui n'est pas celle qui est habituelle. La deuxième preuve, c'est que ces deux types de structures en fait sont faites d'une pièce supérieure et d'une pièce inférieure, qui se recoupent vers l'avant et s'articulent au milieu. Elles sont donc en fait faites sur le même principe. Et puis troisième preuve, c'est que les muscles qui ferment les mâchoires sont homologues de ceux qui contractent les fentes branchiales. Donc D'accord. même si le registre fossile ne permet pas d'avoir de preuves directes, l'étude embryologique nous permet d'avoir la confirmation que mâchoires et arcs branchiaux sont des structures homologues. Et si les mâchoires des vertébrés représentent un arc branchial antérieur, il y a aussi un autre élément crucial du crâne qui dérive également de ces structures qui soutiennent les branchies. Car en fait, la partie supérieure de l'arc branchial suivant dans la série constitue en fait chez les poissons à mâchoire un os qui s'appelle l'iliomandibulaire. Donc c'est en un seul mot et ça commence par HYO. Iomandibulaire. IO mandibulaire, on va essayer de placer ça, c'est notre challenge à tous au prochain repas de famille. Ou si ça Voilà, tombe dans donc. une dictée, on peut l'écrire. Ouais, bravo, bravo à celui qui arrive quand même. Donc en fait, c'est un os qui joue un rôle de coordination et de soutien, puisqu'il relie les mâchoires à la boîte crânienne. Donc cet os dérive aussi des arcs branchiaux. Alors jusqu'à présent, ces détails anatomiques peuvent vous sembler éloignés en fait de l'origine des os auditifs, mais en fait, on y arrive tout doucement. Mais d'ailleurs, en fait, on y est déjà un peu parce que, comme je l'ai dit précédemment, les mammifères possèdent trois osselets auditifs dans l'oreille moyenne, qui sont le marteau, l'enclume et l'étrier. Or, l'étrier, c'est l'homologue de l'iomandibulaire. En d'autres termes, en fait, un os qui est originellement apparu en tant que soutien branchial a évolué de façon à relier, dans un premier temps, les mâchoires à la boîte crânienne, puis a changé de nouveau de fonction de façon à transmettre les sons lorsque l'eau a été remplacée par l'air. Ok, Voilà. c'est du recyclage avant l'heure, quoi. C'est oui, alors avant l'heure, je ne sais pas si c'est correct de parler comme ça, puisque ça veut dire qu'il y a eu une intention. Alors dans l'évolution, il n'y a pas vraiment d'intention et de direction. Il n'y a pas de destin, quoi, c'est ce que je veux Ah dire. bon, il n'y a pas d'intention divine? Eh ben non. Non, pas ici en tout cas. Voilà. Ok. Donc, ben pour comprendre comment une telle transition, en fait, qui a priori paraît inconcevable, pour comprendre comment elle a pu se produire, en fait, il faut oublier le vieux modèle d'évolution qui est appliqué au cas du cheval et de l'homme. Hein, ce vieux modèle que l'on résume en fait par la marche du progrès chez l'homme et son équivalent chez les chevaux, qui est la parade des équidés. Donc il faut les oublier en fait parce que ces représentations donnent l'impression que l'évolution consiste uniquement au perfectionnement d'une fonction donnée et dont la nature resterait inchangée au cours du temps. Elles partent à chaque fois du plus petit et pas très fonctionnel, ou moins fonctionnel du moins, pour conduire au plus grand, plus complexe et magnifiquement agencé. Pas pour l'homme, hein. Donc la question en fait qui se pose, c'est de savoir comment quelque chose d'inédit peut se réaliser. Autrement dit, comment les organismes peuvent-ils s'aventurer dans un milieu véritablement nouveau où va se faire sentir le besoin de fonctions qui jusque-là n'existaient pas? Alors pour cela, il faut envisager un mécanisme qui changerait les fonctions de parties déjà existantes. Car l'évolution ne consiste pas toujours à développer une structure en partant d'un stade rudimentaire, et elle doit souvent se saisir d'une structure qui existe déjà, qui fonctionne relativement bien dans l'accomplissement de sa tâche, pour l'affecter à une autre fonction. Et c'est une évolution de ce type en fait qu'a suivi l'enclume de l'oreille moyenne, en passant du statut d'os robuste de soutien, soutien des branchies, hein, à celui d'os fin et servant à l'audition. Donc l'iomandibulaire, qui était jadis une structure qui soutenait les branchies, a évolué pour devenir une pièce servant à ancrer les mâchoires sur la boîte crânienne. Mais il s'est alors retrouvé positionné juste au voisinage de la capsule otique, hein, qui contient l'oreille interne. Or, il se trouve que la matière osseuse, et cela pour des raisons en fait qui n'ont strictement rien à voir avec son apparition dans l'évolution, eh bien, la matière osseuse peut relativement bien transmettre des sons. Par contre, Par hasard. voilà, donc oui, c'est ça, c'est un peu par hasard. Il se trouvait que la matière osseuse transmet les sons, voilà, c'est la contingence des événements qui conduit à ça. Par contre, étant donné que l'évolution ne suit pas une direction prédéfinie, et ça on le répétera jamais assez, hein, chez d'autres groupes, l'iomandibulaire a évolué vers d'autres rôles, comme par exemple chez les raies, où l'iomandibulaire aide ici chez eux à pomper un courant d'eau à travers un petit orifice qu'on appelle le spiracle, et à le faire pénétrer dans la cavité buccale, puis à le faire ressortir par l'ensemble des fentes branchiales. Mais revenons à l'étrier, hein, parce que les premiers tétrapodes terrestres connus en fait proviennent de l'est du Groenland, où ils ont été trouvés en fait dans des roches qui sont âgées de 360 millions d'années. Ce sont des fossiles qu'on appelle Ichthyostega et Acanthostega, donc que vous avez certainement entendu parler. Alors, chez... si tu le dis. Alors... Donc, juste pour situer, 360 millions d'années, c'est environ, c'est un peu plus de 110 millions d'années avant le début des dinosaures, c'est ça? C'est un peu 110 millions d'années, oui, voilà, c'est ça à peu près, oui. Ok, donc c'est très très vieux. C'est très très vieux. Alors je me rappelle plus le nom de la période comme ça là, comme ça de tête, c'est difficile. Mais donc Acanthostega, peut-être que vous connaissez pas, mais Ixtiostega, c'est relativement plus connu. Donc peut-être que vous avez entendu parler, peut-être pas. Non. En tout cas, chez certains d'entre eux, leur étrier était préservé dans la position qu'ils occupaient durant la vie de l'animal. Et chez eux, ils étaient robustes et épais, et non pas minces, comme lorsqu'ils étaient essentiellement adaptés à l'audition. En fait, cet étrier originel... Ah, on a une correction. Topo qui dit que ça fait 350 millions d'années. Je sais pas. Ok. 350, 360, bon. Ah, on va pas chipoter pour 10 Et millions que c'est d'années. l'époque du Dévonien, comme Oui, ça, c'est ça, exactement. précisé. C'est le Devonien, tout à fait. Il y a plusieurs. D'ailleurs, au passage, puisqu'on parle des époques, j'ai glissé une petite phrase en fait qui permet de se rappeler des époques. Donc la phrase dit: Cambronne ordonna silence et dévouement à ses carabiniers permissifs. Donc ça Cambronne donne. ordonna silence à ses carabiniers Ordonna permissifs. silence et Silence et dévouement dévouement. à ses carabiniers permissifs. Donc en fait, ça fait Cambronne cambrien, ordonna ordovicien, silence silurien, dévouement dévonien, carabinier carbonifère et permissif permien. Super, Voilà. ok, merci. Excellent. Voilà, c'est la Je vais petite phrase. l'encadrer. Voilà, ça permet de se Commence par rappeler t'en souvenir. facile. Ça, c'est une autre paire de manches. Oui. Je vais la répéter tous les jours. Allez, dans une année, je m'en souviendrai. Allez, on s'y met tous, Donc revenons à nos fossiles d'Ixtiostega et Acanthostega. Donc chez eux en fait leur étrier était préservé dans la position en fait qu'ils occupaient durant leur vie, hein, durant la vie de l'animal. Et chez eux il était robuste et épais et non pas mince comme lorsqu'il est essentiellement adapté à l'audition. Donc cet étrier originel, hein, ou iliomandibulaire sur le tard, en fait ça dépend comment on se place, hein, servait encore comme antérieurement de pièce d'ancrage. Et avait probablement un rôle à jouer dans l'audition, étant donné que sa base est étroitement associée à la capsule otique. Alors par la suite, et comme cela s'est produit indépendamment dans plusieurs lignées de vertébrés terrestres, la mâchoire supérieure s'est en fait fermement soudée à la boîte crânienne, et ayant ainsi perdu sa fonction de liaison entre les mâchoires et le crâne, ben, l'étrier, ou enfin l'iliomandibulaire, a alors pu développer son rôle dans l'audition. Voilà, donc ben, l'histoire de l'étrier est déjà assez étonnante, hein, mais l'histoire des deux autres osselets de l'oreille moyenne l'est encore plus. Donc le marteau et l'enclume, pour les citer, étaient des pièces qui intervenaient dans l'articulation des mâchoires supérieures et inférieures chez les premiers vertébrés. Et c'est d'ailleurs toujours leur fonction chez les amphibiens, les reptiles et les oiseaux actuels. Alors bien entendu, on les nomme pas marteau et enclume, hein, lorsqu'ils ont cette fonction, mais on les nomme os articulaire et os carré. L'os carré, en fait, c'est l'homologue de l'enclume, c'est un os de la mâchoire supérieure reptilienne, tandis que l'os articulaire est un os de la mâchoire inférieure, et c'est l'homologue du marteau. Alors cette transition peut paraître aussi impossible, hein, à première vue, hein. Et il serait normal d'être étonné que des os qui servent à mouvoir une mâchoire puissent être modifiés au point de servir à transmettre des sons de l'oreille. Mais pourtant, elles s'observent très bien dans les archives fossiles et dans l'embryogenèse des mammifères actuels. L'homologie en fait des os de la mâchoire reptilienne et des osselets de l'oreille des mammifères a été découverte par des anatomistes allemands du 19e siècle. Il y a par exemple en 1837 Karl Reichert qui écrit, alors qu'il est en train d'étudier l'embryologie des mammifères, donc il écrit: Nous avons rarement rencontré de cas en anatomie animale où une pièce embryonnaire subit un changement de forme aussi important que celui qui affecte les os de l'oreille des mammifères. On aurait du mal à le croire, et pourtant, cela se réalise vraiment. Donc s'il parle en fait de changement de forme, c'est parce que grâce à ses travaux, il a pu observer que chaque embryon de mammifère, retrace au cours de son développement les étapes de l'histoire évolutive qui ont conduit des os de la mâchoire à des osselets auditifs. En fait, il a réellement observé qu'un os qui se forme, se formant chez l'embryon au niveau de la mâchoire, migre par la suite vers l'oreille. Il a remarqué que la mâchoire inférieure se forme à partir d'un précurseur qu'on appelle cartilage de Meckel. Donc, Meckel, en fait, c'était un anatomiste allemand de la génération précédente de Reichert, donc le nom a été donné à son hommage. Il y a donc en fait ce cartilage qui se forme dans un premier temps. Puis le processus d'ossification de la mâchoire commence à se réaliser en fait sur le côté du cartilage de Meckel, et pendant ce temps, la partie postérieure du cartilage, en fait les deux extrémités arrière de la mâchoire chez l'embryon, donc faut imaginer la mâchoire en demi-arc de cercle pardon, et les deux extrémités arrière, donc elles s'ossifient également, puis se détachent pour devenir le marteau de l'oreille moyenne. D'accord. Il constata donc que en fait, tous les os de l'oreille proviennent des deux premiers arcs branchiaux. Le marteau et l'enclume en fait, dérivent du premier, et les triés proviennent du second. C'est ce qu'il a observé, et cela a été confirmé depuis des milliers de fois. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement, mais moi, je trouve que c'est quand même difficile d'apporter de preuves plus directes que celle-ci. Ouais, je trouve ça épatant. Donc c'est un phénomène qu'on observe chez tous les embryons de vertébrés, donc de mammifères, donc chez De nous mammifères, aussi. ouais. Chez tous les, bah, chez nous aussi, oui, également. Ouais, c'est dingue. Mais c'est pas fini parce que ce processus, s'il est tout à fait terminé au moment de la naissance, chez les mammifères placentaires, donc je sais pas si tout le monde voit ce que c'est un mammifère placentaire. C'est un mammifère qui n'est pas un kangourou, c'est ça? Voilà, c'est ça. On peut résumer ça comme ça. Voilà. Dans le Quelques placentaire, il y a placenta. Donc, par contre, c'est pas le cas chez les marsupiaux. Parce que lorsque le minuscule kangourou, comme tu disais Alan, lorsque le minuscule kangourou pénètre dans la poche en fait de sa mère, ses futurs osselets auditifs en fait sont encore attachés aux mâchoires et ils servent encore à l'articuler. C'est seulement par la suite que ces os vont migrer dans l'oreille et que la nouvelle articulation des mâchoires se forme. Ouais, Topo nous dit ni un monotrème, exactement aussi. Oui, c'est Donc moins les bien, monolo. c'est moins connu quand même. Donc un Alors les mono. monotrème, c'est un ornithorynque. Exactement, un ornithorynque, ouais, voilà. Ça Alors pond des justement, œufs. et je voilà, j'avais l'intention de peut-être faire un podcast un de ces jours sur l'ornithorynque. Ah ouais, alors ça c'est cool. Parce que c'est aussi un animal qui est très très particulier. Un drôle de phénomène. Ok. Voilà, donc bah, cette transition, en fait, c'est l'une des mieux établies en fait dans l'histoire des vertébrés, grâce à l'ensemble des données hein, de la paléontologie, de la physiologie et de l'embryologie, bah, si bien que ses fondements sont d'une solidité qui est incontestable. Et l'un des traits les plus importants de cette histoire, en fait, et qui est le thème central de ce podcast, c'est la notion de redondance et d'emploi polyvalent, qui est vraiment à la base de l'innovation évolutive. Alors, selon les créationnistes, en fait, la transition entre reptiles et mammifères est impossible, car les malheureux intermédiaires, en fait, n'auraient pas d'articulation correcte de leur mâchoire. C'est un argument qui est recevable, hein, ou du moins, en fait, qui était recevable au début du siècle dernier. Mais la notion de redondance, en fait, suggère une solution qui paraît évidente. Donc, on va faire une prédiction, hein, ensemble, une prédiction théorique au sujet des formes intermédiaires qu'on pourrait trouver, enfin s'attendre à trouver dans les archives fossiles. Chez les mammifères actuels, donc les mâchoires en fait s'articulent par le biais de l'os squamosal à la mâchoire supérieure et de l'os dentaire à la mâchoire inférieure. Voilà. Donc chez les autres vertébrés, cette articulation se fait grâce à l'os carré, comme je disais. Et l'os articulaire. Donc lesquels sont destinés en fait à devenir l'enclume et le marteau. Chez les vertébrés, tu veux dire chez les reptiles en fait? Chez les autres vertébrés Oui, que les que les mammifères. mammifères. D'accord. Donc supposons en fait que les ancêtres des mammifères aient possédé en fait une articulation donc dentaire squamosale, hein, donc l'articulation typique mammifère, tout en gardant fonctionnelle l'ancienne articulation, l'articulation carrée articulaire. Cela en fait aurait donné des animaux intermédiaires qui seraient dotés d'une double articulation. Et grâce à cette tendance, l'arrangement en fait carré articulaire, hein, l'arrangement originel, ben, aurait alors pu être abandonné pour se spécialiser dans la fonction auditive. Eh ben, cette supposition, en fait, elle a réellement été avancée par les paléontologistes à un moment où aucun fossile intermédiaire entre les reptiles et les mammifères n'avait été retrouvé. Les formes intermédiaires, en fait, dans les archives fossiles sont relativement rares, hein, et cela pour des raisons en fait que j'avais déjà expliquées lors du dossier qu'on avait fait au mois de juin sur les arguments habituellement avancés par les créationnistes. Mais concernant la transition entre les reptiles et les mammifères, l'estrade géologique en fait apporte des données qui sont assez abondantes, si bien que la prédiction théorique des paléontologues a pu être testée et elle a été vérifiée. Donc, chez le groupe des thérapsides cynodontes, alors thérapside cynodonte, c'est un nom qui peut vous paraître barbare. Alors, cynodonte, en fait, ça veut dire dente de chien. J'ai pas compris, t'as dit, pardon? Donc, je parlais du groupe des thérapsides cynodontes. Voilà, D'accord. je disais que c'était un nom un peu barbare, hein, et je faisais remarquer que cynodonte, en fait, ça voulait dire littéralement dent de chien. Alors, Ah, je peux d'accord, ok. pas vous dire pourquoi exactement, mais je pense que souvent ce qu'on retrouve en premier, ce qu'on retrouve plus facilement, ce sont les dents, hein, ce qui se conserve le mieux, et que les cynodontes ont justement des canines qui font penser aux canines des chiens. Donc je D'accord. pense qu'on a dû retrouver des canines de cynodontes, et que c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Donc chez ce groupe, en fait, on retrouve une tendance à la réduction et au relâchement en fait, de l'os articulaire et de l'os carré, mais également dans le même temps, en fait, on observe que le dentaire de la mâchoire inférieure grossit et s'étend vers l'arrière pour en fait entrer en contact avec la mâchoire supérieure. Donc là, chez les mammifères, le dentaire représente la totalité de la mâchoire inférieure, hein. Donc ça, je l'avais pas précisé avant. Alors chez les reptiles, la mâchoire inférieure comprend plusieurs éléments post-dentaires qui ont tous été réduits en fait par la suite et puis ont été supprimés ou dispersés chez les mammifères. Donc, en fait, de nombreux cynodontes ont édifié une seconde articulation entre le squamosal et un élément post-dentaire qu'on appelle le supraangulaire. Donc, c'est pas l'articulation dont je parlais chez les mammifères, hein, elle correspond pas à celle du squamosal et du dentaire, mais elle montre bien en fait que, contrairement à ce que les créationnistes peuvent prétendre, il est apparu en fait de multiples sortes d'intermédiaires. Et donc en fait, il est encore besoin de le rappeler que l'évolution ne se fait pas du tout de manière linéaire, mais vraiment dans Ouais. différentes directions, quoi. En fait, ce que tu veux dire, c'est que le petit os qui a servi à faire l'oreille n'a pas été créé spécialement pour ça. C'est qu'il y a Non, plein voilà. d'os qui ont été comme ça, qui ont été créés un peu au hasard, et que finalement, sur le tas, il y en a un qui a servi pour faire, les osselets intermédiaires. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a eu D'accord. différentes voilà, il y a eu différentes Tentative. voilà, tentatives, double Ouais. articulation. Et en fait, il y a seulement deux ou trois genres de cynodontes qui présentent en fait une évolution vers une articulation mammalienne. Et l'un d'eux en fait porte le nom de Diarthrognathus, donc encore un nom barbare. Mais en fait, il est tout à fait clair comme nom, puisqu'il signifie littéralement mâchoire à double articulation. Donc Diarthrognathus. Ok. Donc, de plus, chez les plus anciens mammifères, le marteau et l'enclume en fait ne sont pas encore complètement indépendants, puisqu'ils sont encore fixés aux mâchoires, et ils continuent à participer à l'articulation, comme chez le cas en fait chez le Morganucodon et le Mégasostrodon, qui sont en fait deux des plus anciens mammifères connus, et qui ressemblent un peu à une musaraigne, voilà, pour vous donner une idée. Ils sont d'ailleurs tellement anciens que ben, les scientifiques sont pas tout à fait d'accord sur leur classification. Certains les considèrent en fait comme des reptiles mammaliformes, car l'oreille moyenne en fait ne comprend qu'un seul osselet, hein, l'étrier, et d'autres les considèrent comme des mammifères car ils allaitaient leurs petits. Donc bon, cela prouve en fait que voilà les noms de groupes que l'on donne sont que des outils de travail en fait et que il devient difficile à un moment hein, quand on cherche des intermédiaires de les classer dans un groupe ou l'autre. Ouais, ça dépend de la caractéristique observée. On en avait parlé longuement dans nos épisodes avec Pierre Kerner. Oui, ouais. Oui, exactement, ouais. Pierre Carnin aussi, vous aviez parlé de ça, ou par rapport à déjà à la définition du vivant, voilà, on voit des fois que suivant la définition qu'on prend, on trouvera toujours des exceptions. Ouais, déjà là c'est compliqué, puis avec la classification ça s'améliore pas. Voilà, la classification c'est un peu pareil, c'est que voilà, les cynodontes en fait sont des intermédiaires entre les reptiles et les mammifères. Hein. Et puis le mégazostrodon, ben, c'est un intermédiaire entre le cynodonte et le mammifère, quoi. Donc il devient de plus en plus difficile de les classer dans un groupe ou l'autre. Donc voilà, donc ces animaux en fait vivaient à la fin du Trias. Alors le Trias, c'est une période qui s'étend de moins de 150 millions d'années à moins de 100 millions d'années. Et c'est en fait seulement à la fin du Jurassique. Qu'apparaissent les premiers mammifères avec une oreille typique des mammifères. Donc le Jurassique, c'est la période juste après, en fait, qui s'étend de 200 millions d'années à 145 millions d'années. Voilà, donc ben, l'embryologie et la paléontologie, en fait, apportent des données qui permettent de comprendre le comment. Mais il est intéressant, en fait, également de saisir pourquoi une telle transition a eu lieu. D'autant plus qu'une oreille munie d'un seul osselet, l'étrier, ben, paraît bien fonctionner comme c'est le cas chez les oiseaux. Alors c'est une question qui est assez complexe et difficile en fait d'apporter une réponse qui soit vraiment complète, mais il y a un indice qui mérite quand même qu'on s'y intéresse et qui illustre encore le principe de redondance. Donc chez les pélycosaures, qui sont une sorte de gros lézard avec une voile sur le dos et qu'on considère souvent comme des dinosaures, choses qui ne sont pas. D'ailleurs, on les retrouve souvent hein, dans les boîtes de jeux de dinosaures hein, en plastique. Donc, ce ne sont pas du tout des dinosaures, puisque ce sont nos ancêtres lointains, prédécesseurs en fait des reptiles thérapsides qui ont conduit aux mammifères. Chez les pélycosaures, en fait, l'étrier se trouve en contact étroit avec l'os carré de la mâchoire supérieure, qui est donc le précurseur de l'enclume. Hein. Et ce rapport en fait se maintient, voire s'intensifie quelquefois chez les thérapsides ultérieurs. Alors cela suggère en fait fortement que le carré des ancêtres des mammifères, bien qu'il participait en premier lieu à l'articulation des mâchoires, il jouait déjà certainement un rôle subsidiaire dans la transmission des sons. Ouais, puisque l'étrier était déjà en contact avec ce qui deviendra l'enclume, et il y a de bonnes raisons de penser qu'au moins à ce moment-là, ben, l'os carré servait déjà à transmettre les sons. Donc, malheureusement, en fait, on ne peut pas réaliser d'expérience hein, sur des animaux qui sont éteints, et on ne dispose donc pas de preuves vraiment directes hein, pour dire que le carré participait à l'audition chez les ancêtres des mammifères. Par contre, on sait avec certitude que le carré des reptiles peut transmettre des sons, tout en servant à l'articulation des mâchoires, puisque c'est le cas en fait chez plusieurs reptiles actuels. Donc, bien évidemment, ces reptiles actuels ne sont pas des ancêtres directs des mammifères, mais au moins ils montrent la possibilité physique hein, de transmission des sons par l'os carré et la réalité de cette redondance. Donc, vous avez par exemple les serpents hein, qui n'ont pas d'oreilles externes, hein, qui n'ont pas de tympan non plus, si bien que de façon un peu anthropocentrique, on a longtemps cru qu'ils étaient sourds. Mais en réalité, la majeure partie de leur corps hein, est sensible aux vibrations sonores, et celles-ci semblent être transmises à l'oreille interne par l'intermédiaire de leurs poumons, hein, qui sont de très grandes dimensions, mais également grâce à leur mâchoire inférieure. Mais alors, quand il mange, ça fait vachement de bruit. Je pourrais pas te dire en fait. Je pourrais pas te dire, je sais pas ce que ça fait d'être un serpent. Non, mais après, il reste la question de savoir comment est interprétée la vibration chez eux, quoi. Et ça, bon, il n'y a qu'un serpent qui pourra nous le dire. Ça restera un mystère, je pense, ouais. On lui posera la question si on le croise un. Ouais, je pense Voilà. que je m'enfuirais si j'en croise. Donc, les serpents peuvent également entendre grâce à leur mâchoire inférieure. Hein. Et puis il y a d'autres expériences en fait directes qui sur plusieurs espèces de lézards qui avaient également montré que les sons étaient transmis au cerveau par cette voie. On arrive donc à la fin de ce dossier hein, qui avait pour but de montrer un autre des principes fondamentaux de l'évolution hein, qui est l'exploitation des redondances. Les organismes en fait ne sont pas parfaits. Voilà, leurs organes peuvent remplir différentes fonctions, elles-mêmes pouvant être remplies par différents organes. Et c'est un point qui est vraiment très important à comprendre car ben, c'est parce qu'il en est ainsi que l'évolution est possible chez les organismes pluricellulaires. Et voilà, that's all Ok, excellent, génial, merci beaucoup. Peut-être juste avant de conclure, rendre justice aux pauvres équidnés qui ont été cités par Topo alias Pierre Kerner dans la chatroom et qu'on a joyeusement oublié de mentionner à l'antenne. Donc, chez les monotrèmes, on trouve non seulement les ornithorynques, mais également les équidnés. J'ai mis un lien sur la page Wikipédia dans la chatroom. Si vous voulez voir, ils ont une bonne bouillie, ils sont sympas les équidnés. Ok, et puis donc on va tenter de passer un jingle. C'est une grande première dans le podcast, bougez pas. Yeah. Et on va passer à la suite. Donc tout d'abord des questions, si vous en avez, chers auditeurs, poditeurs, manifestez-vous comme vous pouvez, comme vous voulez, soit via les commentaires de la Wiki Radio, soit via Twitter. Moi, j'ai pas de questions via Twitter, mais j'avais une question personnelle donc pour Marco. On t'écoute. Je voulais, donc en fait, Marco, si à un moment il y a une démonstration qui est faite par le biais de l'embryogenèse Oui. pour démontrer que si quelque chose se passe d'une certaine manière dans l'embryogenèse, ça va se passer comme c'est que ça se passe comme ça dans l'évolution. Est-ce que ce moyen de preuve il est validé ou est-ce que c'est juste un indice? Je dirais que c'est juste un indice. En fait, il y a C'est beaucoup un de choses indice, ouais. qu'on retrouve dans l'embryogenèse. En fait, on retrouve, par exemple, donc le cas que j'ai cité. Pour la mâchoire, on voit bien en fait que chez les mammifères, la mâchoire en fait, enfin ce qui va être les osselets de l'oreille, dans un premier temps se forment au niveau de la mâchoire, comme c'était le cas chez les ancêtres reptiliens, et puis D'accord. Donc ensuite migrent. dans ce Après, cas-là, c'est vrai, ça se passe bien comme ça dans ce cas-là, mais c'est pas un niveau de preuve sûr à 100%, quoi. fin. Je pense pas que ça se passe comme ça pour tout. Pour toutes les pour tous les organes et toutes les fonctions. Mais après tu fais peut-être référence en fait à ce qu'avait dit Haeckel, je crois que c'est Haeckel qui avait fait des dessins un peu truqués à une époque. Mais lui dans son esprit c'était plus pour dire que en fait dans l'embryogenèse on retrouvait vraiment les étapes de l'évolution, c'est-à-dire que un embryon de mammifère était d'abord un poisson puis un reptile avant de devenir un mammifère. Alors c'est pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. D'accord. Je voulais rajouter, et Topo l'a marqué aussi dans les commentaires, en fait c'est beaucoup plus maintenant dans les données génétiques du développement et justement l'embryogenèse, enfin, comment c'est gouverné par les gènes, où là effectivement on retrouve vraiment les mêmes. Enfin ça se passe de la même manière dans les différentes lignées. Donc D'accord. enfin, c'est plus la génétique qui a vraiment appuyé ces indices-là que juste la D'accord. description. D'accord. Donc en fait, c'est les poditeurs qui répondent aux questions. Ok, bah merci. Ouais, bon, c'est pas n'importe quel poditeur. Oui, Topo bah oui, bien sûr, oui, je sais bien. est docteur en génétique évolutive, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est un grand spécialiste en la matière. On a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Ok, bah écoutez, ah pardon, du développement. Génétique du développement. Voilà. Ok, merci. Nickel. Je propose qu'on écoute, Franck, ton pitch. Oui. Ton pitch qui annonce le dossier de la semaine prochaine, donc qui va durer 1 minute chrono, et ta minute démarre maintenant. Ok. Alors, il y a 150 ans, Darwin publiait L'origine des espèces, révélant à la face du monde une théorie qui allait révolutionner la biologie et bouleverser le regard de l'homme sur sa propre existence, comme Marco nous en parlait aujourd'hui. En 150 années, la théorie allait se confirmer, se ramifier et muter dans une multitude de configurations et de dépendances variées. À la pointe d'entre elles, la théorie de la mémétique a émergé en 1976 avec les travaux de Richard Dawkins. Mais en quoi consiste cette théorie? Sur quels fondements scientifiques se base-t-elle? Certains d'entre vous se sont probablement déjà familiarisés avec les concepts de réplicateurs, de mèmes ou de mèmeplex, mais savez-vous à quelle réalité scientifique ils se réfèrent? Quelles sont leurs applications? Nous partirons du monde précaire des bactéries, où l'ADN flotte librement dans le cytoplasme confronté au feu de la sélection naturelle et des parasites bactériophages, et y approfondirons les principes de la sélection naturelle. Nous irons ensuite dans le bios du logiciel culturel humain et animal, et tenterons de saisir les fonctions racines permettant à l'information de se propager au cœur de nos cerveaux. Nous verrons quels modèles permettent d'étudier la mémétique et quels intérêts nous avons à le faire dans la rigueur propre à notre démarche qui restera scientifique. Magnifique. Voilà. J'ai un peu débordé. En une minute quasi chrono. Ah, c'est génial. Bah, écoute, ça fait vachement envie. Hein. Je me réjouis beaucoup d'entendre ton dossier la semaine prochaine. Ok, bah super. Excellent. Ça sera prêt. Là, ça donne l'impression que tout est déjà prêt. Si ça pouvait faire qu'une minute, ça serait simple. Mais là, ça sera plus long. Ok. Comment résumer Richard Dawkins en une minute? Voilà, ouais. Ok. Petit jingle. Et on passe à la suite. Il nous reste 10 minutes avant la fin de l'émission. Donc moi, je voulais déjà faire quelques petits plugs. Tout d'abord, vous signaler l'existence d'un nouveau blog dans le paysage scientifique francophone qui s'appelle Le Vrai du Faux. L'adresse, c'est portail-svt.com. On mettra bien sûr l'adresse dans les notes de l'émission. Il a un angle un petit peu différent par rapport au blog existant, c'est-à-dire que son objectif, je cite son auteur, c'est démêler le faux et le faux, le vrai du faux et le faux du vrai. Tel sera le but de ce blog. J'ai toujours eu une passion pour la science et pour les arts, notamment le 7e et le 9e, et rien ne me fait plus rire ou pleurer que de voir des films grand public, des documentaires et des bandes dessinées parlant ou tentant de parler de science. On peut rester admiratif devant certains films de science-fiction cohérents, inventifs, et être complètement dépité devant certaines émissions dites scientifiques assénant bêtises sur bêtises. J'espère pouvoir mener ce blog le plus loin possible, vous faire découvrir ou redécouvrir de véritables trésors de science cachées dans des fictions et dénoncer des fictions dans la vulgarisation de la science et toujours avec du fun. Alors l'auteur, c'est Grégory Michnik, le dernier arrivé dans Strip Science et qui a illustré nos neutrinos d'ailleurs pour fêter ça. Vous trouvez ça sur le site de podcastscience.fm. Et puis, depuis ce petit texte que je viens de vous lire, qui remonte à une semaine ou deux, il a déjà publié un post, son premier post est en ligne, et puis ça porte évidemment cette circonstance sur le film 2012 et la soi-disant prédiction Maya. Alors, régalez-vous. L'adresse, c'est donc, je le rappelle, portail-svt.com. Sinon, toujours pour les petits plugs, encore un petit coucou pour les podcasts de notre ami Xilrian. Donc 12 minutes de revient sur le concept de revenu de base. C'est donc cette notion d'allocation universelle pour son 4e épisode, co-animé comme le précédent avec le journaliste Stanislas Jourdan, spécialiste de la question. Et puis dans son 2e podcast, Vie artificielle, pour son dernier épisode, c'était le dernier épisode de l'année, donc juste avant Noël, sauf erreur, il proposait une liste d'achat pour Uber Geek, genre où acheter ses robots. C'est très sympa, ça nécessite moins d'aspirine que les épisodes habituels classiques. Un petit peu tard pour Noël, mais c'est très pratique pour les robots Android en solde. Sinon, je voulais encore vous indiquer que Strip Science part à la conquête du monde. Un communiqué de presse officiel est diffusé sur le site. On mettra là aussi le lien dans les notes de l'émission. C'est plutôt cool, ça décolle, ça marche bien. Ce serait sympa d'ailleurs que Pierre Kerner vienne nous en parler à l'occasion. Pierre, on sait que tu nous écoutes, l'invitation est lancée. Donc voilà pour les petits plugs. Sinon, on avait quelques news, mais on va peut-être pas en passer beaucoup parce que l'heure tourne gentiment. On est à 7 minutes de la fin de l'émission. Je crois que c'est la première fois que je fais si attention à l'heure. D'habitude, on s'en fout, mais c'est vrai que là, on a un début, une fin, comme une vraie émission de radio. C'est un petit peu nouveau pour nous. Je voulais juste évoquer dans les news la découverte d'un nouveau boson au LHC, donc qui s'appelle Chi-B3P, ça ne s'invente pas. J'ai eu pas mal de mal à comprendre exactement de quoi il s'agissait, donc c'est pas le boson de Higgs. Mais j'ai trouvé un article sur Gizmodo qui indique en quelques mots assez simples de quoi il s'agit. Donc le LHC n'a pas encore réussi à prouver l'existence du boson de Higgs, mais les scientifiques ont quand même trouvé leur première nouvelle particule, Chi-B3P. Quand même, quand il faut choisir un nom, les scientifiques sont de grands romantiques. Alors c'est quoi cette particule? Il s'agit d'un autre type de boson, une version plus lourde des particules Chi déjà révélées dans d'autres collisions. La Chi-B3P est composée d'une particule et d'une antiparticule, le quark beauté et l'antiquark beauté qui sont liés l'un à l'autre. Ça doit parler à notre ami Mathieu, tout ça. Et ça donne quoi? Ben pas grand-chose. Mais la manière dont deux quarks s'attirent révèle plus d'informations que leur seule force nucléaire. Donc cette information pourrait aider les scientifiques à identifier le boson de Higgs, justement. Et c'est tout l'intérêt de cette découverte. Donc c'est une news qui nous a été signalée par Olivier Tripet sur Facebook. Merci beaucoup. Et puis, je vais en rester là pour les news. Je propose qu'on passe à la quote de la semaine, notre grande minute de philosophie, de sagesse. Voilà, et cette semaine, nous avons non pas une, mais deux quotes, si je dis pas de bêtises. Honneur aux dames, comme toujours. Hélène, tu nous as préparé quelque chose? Oui, donc c'est une citation de Gould qui, pour faire un peu le lien avec le dossier, la contingence est une chose en soi et non la combinaison du déterminisme et du hasard. Donc, enfin, moi j'aime bien parce que ça montre bien que l'évolution ne va pas forcément dans un sens et que un organe peut être utilisé pour quelque chose et puis après. Pour d'autres choses selon les besoins, les possibilités, tout ça. Ouais, effectivement, il n'y a pas de projet derrière l'évolution. Elle n'est pas dirigée, on ne sait pas vers quoi elle va. C'est simplement l'adaptation aux conditions du moment, finalement, de manière assez aveugle par rapport au futur. Ouais, moi ça me plaît bien, ça me parle. Enfin, je pense qu'autour de la table virtuelle, on sera tous d'accord avec ta citation. Ouais, d'ailleurs, vas-y Marco. Non, je voulais juste une petite précision que j'ai oubliée et que j'aurais pas dû oublier, c'est que c'est de citer mes sources et je me suis inspiré en fait pour réaliser ce dossier d'un livre justement de Stephen Jay Gould. Qui s'appelle Comme les huit doigts de la main, et c'est une partie qui s'appelle Un coup de gueule plein les oreilles. Donc vous comprendrez le jeu de mots. Excellent. Ok, et puis donc on a dit qu'on a la chance d'avoir non pas une, mais deux quotes. Ah pardon, attendez, je vois qu'on a une réaction dans la chatroom. Ah ben c'est Mathieu qui nous dit que la contingence pourrait être un bon dossier pour Podcast Science. Ok Mathieu, c'est noté, c'est enregistré, rendez-vous est pris, on fixera la date, c'est très sympa de te proposer, merci. Et oui, donc, oui. C'est un peu le sujet de ma quote aussi d'ailleurs. Bah, c'est parfait, transition toute trouvée. Est-ce que je pourrais avoir un gong pour l'introduire? Mais bien sûr. Je l'aime bien le gong. Il suffit de demander. L'existence précède... Ah merde, j'ai raté. Je suis désolé. Vas-y, il faut la refaire. L'existence précède l'essence. Voilà. L'existence précède l'essence. Comment t'écris l'essence? En un seul mot. D'accord, l'existence précède l'essence. Alors ça, c'est un peu trop philosophique pour moi, je crois. Ouais. Est-ce que ça inspire une En fait, c'est la doctrine. C'est la doctrine de l'existentialisme, en fait. Mais j'ai eu un énorme trou. Je me suis demandé si j'avais pas inversé les deux. Mais c'est bien l'existence précède l'essence. En fait, c'est pour dire que le sens qu'on va donner à sa vie, en fait, c'est la doctrine de l'existentialisme. Il est indépendant de l'existence. C'est-à-dire qu'on existe et après on est, en fait. Et c'est un petit peu ce qui va avec ce dont nous parlait Marco, c'est l'organe est créé et après il acquiert sa fonction. Voilà. D'accord. Ok, je suppose que c'est une manière de l'interpréter qui me va, parce que du coup je la comprends. Ouais, Mais c'est un peu, mon petit disons, doigt me dit généraliste. que, ouais, mon petit doigt me dit que les philosophes qui nous écoutent ont peut-être encore des compléments à apporter à tout ça. On est ouvert, si jamais on est toutouille. Il nous reste un peu moins de 50 secondes maintenant, donc je vous propose qu'on conclue joyeusement cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, donc le 11 janvier, même adresse, même heure, à 20h30, pour écouter Franck qui va nous parler de la théorie de la mémétique. Si tout se passe bien d'ici là, on aura une nouvelle homepage pour notre site d'ailleurs, grâce à un jeune padawan qui s'appelle Juan, qui est en train de travailler d'arrache-pied sur une nouvelle homepage, enfin sur une homepage, parce que jusque-là, on avait juste des entrées de blog qui s'empilaient, c'était pas terrible. Donc voilà, tout ça au menu de la semaine prochaine. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je me réjouis qu'on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bonne semaine. À Ciao, ciao. bientôt.